بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام bienvenue chers frères ونحن الآن في الدرس السادس بعد المئة aujourd'hui le cours numéro 106 dans l'explication de عمدة الأحكام كتاب الصلاة le chapitre de la prière toujours donc dans le dernier sous-chapitre, le sous-chapitre concernant Al-Janaza. فَلَا يَزَلُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ يَذْكُرُ أَحَادِيثِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُخَالِفُ التَّوْحِيدِ وَتُخَالِفُ الرِّضَى بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لِعِبَادِهِ. L'auteur, il continue à citer des ahadiths qui montrent l'interdiction d'agir de façon qui contredise le tawhid, l'unicité, qui contredise l'acceptation, la satisfaction de ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a accordé comme destin. Et ce hadith, c'est le dernier hadith sur le sujet. Ensuite, il nous reste un hadith à voir pour finir le sous-chapitre. Donc, on a deux hadiths. Le hadith d'aujourd'hui et le hadith de demain, inshallah ta'ala. Et donc l'auteur qui nous dit rahmatullahi alayhi an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala laysa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wati al-jahiliyah. Selon Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui frappe les joues et qui déchire le col et qui agit de façon anti-islamique, celui-ci ne fait pas partie des nôtres. Faqalu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa minna. Dhakara ibn al-Mulaqqin rahimahullah an al-ma'na laysa min ahli sunnatina ولا من المهتدين بهدينا وليس المراد من هذا الكلام الخروج من دين الإسلام بالجملة لأن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بالمعاصي. ثم قال ابن الملقن بعدما ذكر هذا الكلام قال اللهم إلا أن يعتقد حل ذلك فإنه يكفر. Et donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Laysa minna », alors ne fait pas partie, n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Ibn al-Mulaqqin rahimahullah, il explique cela et il dit « La signification, ce qui est voulu ici, c'est qu'il ne fait pas partie de ceux qui suivent notre sunna. Il ne fait pas partie de ceux qui suivent notre guidé. Mais il n'est pas voulu ici que cette personne sorte de l'islam. » Lorsque le prophète il dit « Laysa minna » ne fait pas partie des nôtres, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Pourquoi ? Parce que Ahl Sunna wal Jama'a, il ne taxe pas une personne de mécréante à cause des péchés. La personne peut faire des péchés, on va dire que c'est un pécheur, mais le faire sortir de l'islam, non. Le faire sortir de l'islam, non. Les savants nous disent « Même si celui qui va adorer El-Badawi ». Ils disent, on va d'abord lui expliquer. Attention, ce que tu fais, c'est haram. Est-ce que tu sais que c'est du shirk, etc., etc. Et ensuite, après ça, il ne veut pas comprendre. Khalas. Uqimat alayhi al-hujja. La preuve a été établie sur lui. Et donc, il n'est pas voulu par cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que donc, cette personne sort de l'islam. Cette personne qui fait cela, ce qui a été cité dans le hadith d'aujourd'hui, elle ne sort pas forcément d'islam. Ibn al-Mulaqqin, il nous dit, sauf si cette personne, elle a la croyance que ce qu'elle fait, c'est légiférer. Alors là, elle sort d'islam. Parce que là, elle s'oppose carrément au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit, c'est pas permis. Non, c'est permis. Le prophète, il a dit que c'est interdit. Non, c'est permis. C'est pas mon problème. C'est permis. Là, la personne sort de l'islam. Parce qu'elle s'est opposée au texte de la législation. ومن أهل العلم كسفيان الثوري والإمام أحمد كَذَلِكَانُوا لَا يُفَسِّرُونَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Il y a parmi les gens de science, parmi eux, Soufiane al-Thawri, l'imam Ahmed, ils n'expliquaient pas cette parole, la parole du prophète. Lorsqu'il dit « لَيْسَ مِنَّا » ne fait pas partie des nôtres, ils n'expliquaient pas la parole. Ils la laissent comme ça. كَانُوا يُجْرُونَهَا عَلَى ظَهِرِهَا. Ils citaient la parole et la laissaient comme elle était, de façon apparente, sans expliquer. Pourquoi ? لِأَنَّهُ أَوْقَعْ فِي النُّفُوسِ. Parce que ça a un plus grand impact. C'est pour ça que si tu vois quelqu'un qui accomplit ce genre d'acte, qui va se frapper les joues, etc., déchirer son col à cause du fait qu'elle est trop triste par rapport à la mort d'un tel, tu lui dis « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man fa'ala kada wa kada. » Tu lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Celui qui fait ça et ça n'est pas des nôtres. » Tu ne vas pas lui expliquer « Mais attention, ça ne veut pas dire que tu ne sors pas de l'islam. » Non, non, non. Tu lui laisses comme ça. Ne fait pas partie des nôtres, celui qui fait ça. Pourquoi ? Ça a un plus gros impact. Et donc l'imam Ahmed ainsi que d'autres, ils voyaient qu'il était détestable d'expliquer cette parole. Ils n'aimaient pas cela. Pourquoi ? Pour que ça ait un plus gros impact sur les gens. « Amma darb al-khudud, fa darb al-wajhi min ghayri musibatin, fa huwa muharram aslan. » En ce qui concerne donc le fait de frapper les joues, ce qui est voulu ici, c'est les gifler, le fait de se gifler les joues. Et donc, à la base, le fait de se frapper le visage sans que la personne n'ait été touchée par un mal, par la mort de qui que ce soit, le fait de se frapper le visage, à la base, c'est interdit. À la base, c'est interdit. « Amma ma'al musibati wa idhar adami rida bi qadarillahi tabaraka wa ta'ala fattahrimu ashad. » Et lorsque, ici, la personne, elle se frappe le visage parce qu'elle a été touchée par un mal et qu'elle n'est pas satisfaite du destin que Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé, alors là, c'est encore pire. L'interdiction, elle est plus forte ici, elle est beaucoup plus prononcée. Wa kadhalika shaqqul juyub aussi, donc le fait de se déchirer le col. Fa qad takallamna an hadha fi sharh hadithin. وهو حديث براءة النبي صلى الله عليه وسلم من السالقة والشاقة. Et donc on a déjà abordé ce sujet, le fait donc concernant celui qui se déchire le col. Lorsqu'on a vu le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se désavoue de celle qui va crier et de celle qui va déchirer donc ses vêtements, déchirer son col. Et donc, comme on a dit précédemment, le fait de se déchirer le col, c'est interdit, même quand tu n'as pas donc des preuves, même quand tu n'es pas éprouvé par la mort de qui que ce soit. C'est interdit. Alors, que dire lorsque, ici, tu vas donc le faire parce que tu n'es pas satisfait du destin et que tu es justement en colère à cause de ce que Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé comme destin. Et tout cela, ce n'est que donc de comme ils disent les savants, minel israf, le fait donc de gaspiller de l'argent, de gaspiller des biens, déchirer des vêtements comme cela, alors que ces vêtements ont de la valeur. Ces vêtements ont de la valeur. Et comme on a dit précédemment, cela ne va rien changer du destin. Amma da'wa al-jahiliya, agir, le fait d'agir de façon anti-islamique, en ce qui concerne cela, fait le muradu huna, mais kanat taquluhu an-nisa. Ce qui est voulu ici, c'est ce que les femmes elles disaient lorsqu'elles étaient touchées par un mal. Comme par exemple, une qui dit « Wa jabalah ! Wa jabalah ! » Elle crie comme ça en disant « Wa jabalah ! » Ce qui est voulu ici, c'est que ce mort pour cette personne, « Wa quel jabal ! » C'est comme une montagne vers qui elle allait se réfugier et elle a perdu cette montagne. Et donc « Ah, wa jabalah ! » Et donc elle criait comme ça, justement, pour montrer sa tristesse et le fait qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup. Et donc tout cela faisait partie des méthodes anti-islamiques. Et bien entendu, cela n'est pas permis, comme on l'a vu précédemment. فَكُلُّ هَذِهِ الْأُمُورِ مُحَرَّمَةٌ وَمِنَ الْكَبَائِرِ. Et donc tous ces sujets qu'on a vus aujourd'hui sont interdits et ils font partie des grands péchés. طيب, الآن سؤال. لو أن رجلا, si un homme, on ne parle pas d'une femme, puisque ici dans le hadith, ce qui est cité, c'est, ça concerne aussi, ce qui est voulu ici, ce sont les agissements que faisaient les femmes. C'est les femmes qui faisaient ça. Et donc aujourd'hui, si un homme, même si le hadith, les termes du hadith sont généraux, si un homme, aussi babi musibatin, il a été touché par un mal, la mort d'un proche, فَلَمْ يَدْرِبْ وَجْهَهُ لَكِنَّهُ ضَرَبَ بِرَأْسِهِ الْحَائِطِ. Et donc cet homme a été durement touché par la mort d'un proche, alors il ne s'est pas frappé le visage. Mais par contre, il est allé, il a mis sa tête, il a mis un coup de tête au mur. Ou alors, لَكَمَ الْحَائِطِ, il a mis un gros coup de poing dans le mur. D'accord ? Il ne s'est pas frappé le visage. Et aussi, même chose, cet homme-là, il n'a pas dit « Wajabalah ». Il n'a pas crié pour dire « Wajabalah ». Il a dit « Limaza, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ?» Ensuite, cet homme-là, il n'a pas déchiré ses vêtements. Il a pris son portable, il l'a lancé, il a cassé le portable. « Mon père, ah, il casse le portable. » Tu viens, tu le conseilles avec ce hadith. Est-ce qu'il peut te dire « Non, awalan analestum ra'a ». Il te dit non, premièrement, je ne suis pas une femme. Deuxièmement, je n'ai pas dit Wajabala. Troisièmement, je ne suis pas frappé le visage. Mais j'ai mis un coup de poing dans le mur, c'est pas pareil. Et quatrièmement, je n'ai pas déchiré mon col. C'est mon téléphone que j'ai jeté. Est-ce qu'il peut nous dire ça? Il y a trop le fil hadith. Il est coupable. Il rentre dans le hadith. Mais pourquoi, quelle est notre argumentation lorsqu'on dit qu'il rentre dans le hadith? Que le hadith le concerne. Ici, il n'a pas dit Wajabala. Il n'a pas frappé son visage. Il n'a pas déchiré son col. Et c'est un homme. Sabil el-Mithel. Je veux plus. Barakallahu fik. El-Illa Wahida. La cause, c'est pareil. C'est quoi? C'est qu'il n'est pas satisfait du destin qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. La cause, elle est la même. Tu peux faire ce que tu veux, monter, ce que tu veux, monter, descendre, t'es pas content, c'est pareil. À partir du moment où tu n'as pas patienté, tu es concerné par tous ces hadiths. Et donc, il est important, aux chers frères, qu'on obéisse aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à, donc, de façon générale, mais aussi et surtout les sujets d'aujourd'hui, c'est-à-dire lorsqu'on est touché par un mal. Lorsqu'on est touché par un mal. Parfois, souvent, ça arrive, certains qui vont te dire, tu sais pas pourquoi. Il a une petite difficulté. Ah, j'en peux plus. Ah. Subhanallah, dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, la kulli hal. C'est mieux que. Sahoulala. Et donc, il est important, aux chers frères, qu'on fasse attention à ça. Parfois, ça peut arriver comme ça, à des moments, la vie de tous les jours, comme ça. Parfois, on ne s'y attend pas et on pense souvent que ça concerne que les autres. Non, ça nous concerne tous. On est tous concernés par ce genre de choses. C'est important. Barakallahu fikoum, on arrête là pour aujourd'hui. Et demain, biiznillah, de dernier cours dans l'explication de ce chapitre. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khairan.